Et maintenant, comme chaque lundi, on retrouve Raymond Poirier pour la chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Un invité aujourd'hui, Thierry Giasson, qui donnera une conférence sur Carrefour Numérique 4. Ça s'appelle Démocratie 2.0, technologie, médias sociaux et participation citoyenne. Ça sera donné ce vendredi 11 décembre de 8h30 à 12h30 à l'Université Laval, pavillon Jen H. Kruger généralement, oui. Voilà. pour les familiers. Alors, lourd thème quand même qui va être développé sur 3 heures, 4 heures. Oui, exactement. En fait, c'est 4 axes, 4 conférenciers qui vont succéder pour explorer différents pans, que ce soit l'aspect plus logistique administratif des plateformes de gouvernement en ligne, que ce soit l'utilité du crowdsourcing pour faire émerger le savoir citoyen, la 3D et son application dans le contexte de la médiation urbaine. Et on va parler de l'implication et de l'utilisation qui est faite de plateformes de gouvernement en ligne, des médias sociaux et plusieurs autres éléments avec Thierry Giasson, qui est professeur au département de sciences politiques à l'Université Laval, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, puisqu'on parle justement du tout web politique, on imagine qu'à l'image du web traditionnel, en 2 décennies, ça a complètement transformé la manière dont on communique la politique, de la manière dont on échange, on dialogue autour de la sphère politique, là. Oui, absolument. L'arrivée du numérique dans l'arsenal communicationnel des partis politiques a complètement changé la donne, a changé la manière de faire des campagnes. Il y a eu des premières transformations qui se sont fait sentir au milieu des années 90, et puis avec l'arrivée tranquillement des plateformes de web participatif, de médias sociaux, déjà avec les blogs, mais très rapidement avec les sites de réseaux sociaux, les sites de microblogage. Donc depuis, j'ai envie de dire, une dizaine d'années déjà, parce qu'on est déjà aux 10 ans de Facebook, les choses sont radicalement différentes. Alors d'une part, par la réactivité que ça demande aux partis politiques, les ressources que ça leur demande aussi pour répondre à cette réactivité qui est intrinsèque aux plateformes, par exemple, de médias sociaux. Donc, la manière de faire de la politique pour des partis a changé. Et ça a donné de nouveaux outils aux citoyens pour communiquer avec les partis, faire en sorte que la communication politique, ben, elle vienne aussi des citoyens et qu'ils puissent utiliser ces outils-là pour interpeller directement gouvernement, partis politiques. Oui, parce qu'à la limite, en fait, ça dépasse même simplement la notion de politicien dans la mesure où on demande aussi de nos institutions qu'elles soient en ligne, qu'elles soient aussi sur les médias sociaux et le reste, et qu'il y ait cette interaction, certes, avec les partis, avec l'axe plus politique active, mais également avec les institutions qui soutiennent ces actes-là. Oui, les gouvernements, les ministères, tout l'ensemble du périmètre de services, les universités, tout ce qui relève de l'ensemble des services publics de l'État, d'une nation, se retrouve maintenant avec une présence en ligne, et voire des présences en ligne. Cette présence-là, elle est constituée de plusieurs espaces. Il y a évidemment des grands sites web qui sont des espèces de zones de fédérateurs, de fédération là, de l'ensemble de ces autres pratiques, mais toutes les organisations ont des comptes Twitter, ont des présences sur Facebook, et ça fait donc un espace communicationnel numérique des institutions qui est très lourd à baliser et à faire fonctionner. Et j'imagine, et c'est peut-être un peu là le cœur de votre sujet de ce vendredi, dans le fond, il y a l'idée, évidemment, sont-ils présents, mais au-delà de ça, il y a l'idée aussi quel usage les citoyens en font-ils. Voilà. Et c'est le cœur de la question. Est-ce que les gens qui doivent y aller y vont? Il y a des gens qui y vont. Encore une fois, les gens qui doivent y aller, je pense que ce sont des espaces. Hein. On n'est pas tenu de les utiliser dans nos relations de communication avec les institutions, les gouvernements, les partis politiques. Mais les espaces sont là. Et ma question et la question sur laquelle je travaille avec mes collègues, c'est d'essayer de comprendre si les citoyens utilisent ces espaces-là. Il y a une littérature foisonnante qui qui porte sur ce qu'on appelle maintenant la citoyenneté numérique, la citoyenneté démocratique en ligne, et il y a des travaux importants qui se font aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans un certain nombre de contextes nationaux. Et ben, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de travaux d'envergure qui avaient été menés au Canada, et on a décidé de s'atteler à la tâche et de faire ce travail-là. Et on le fait. On voulait savoir si, parce que bon, il y a tout le discours très cyber-optimiste qui pose que le web est un espace qui égalise égalise l'ajout politique, mais aussi qui préserve l'espace public. Hein, c'est un espace de liberté d'expression. Et donc, nous, on voulait voir si, dans cet espace que certains voient comme étant très ouvert, ben, si les citoyens parlaient de politique, mobilisaient les outils web, numériques que l'on met à leur disposition pour faire campagne, pour donner aux partis politiques, pour devenir membre de partis politiques, pour s'informer. Parce que bon, la citoyenneté, c'est pas seulement poser des gestes, c'est aussi faire en sorte qu'on ait un citoyen qui est bien outillé, et puis ben, ça passe premièrement par s'informer, la capacité des citoyens à s'informer. Et grande différence également avec les réseaux sociaux, c'est que les citoyens, même qui s'intéressent a priori peu à la politique, n'ont même plus besoin de chercher l'information. C'est l'information qui vient à eux. Il suffit qu'ils soient abonnés au bon fil d'actualité pour avoir plus d'informations politiques. Est-ce que ça joue aussi dans la participation? Est-ce qu'on a des informations là-dessus, à savoir si le fait que l'information vienne à nous rend plus intéressés sur la politique finalement? Oui, alors il y a des travaux qui sont pas nécessairement faits sur le web, mais qui montrent des travaux. C'est drôle, je sors d'un cours puis on a parlé. C'était notre dernier cours en communication politique et on traitait de la théorie du cercle vertueux de Pippa Norris, qui est une chercheure britannique qui travaille aux États-Unis et qui, elle, dit que, en fait, qu'elle a démontré l'existence d'un renforcement positif entre le fait de s'informer et de s'intéresser, de participer à la vie politique. Donc, ces structures s'informent et s'alimentent les unes les autres. Et on peut présumer qu'en ligne, c'est la même chose. Par exemple, j'ai fait des travaux sur les blogueurs politiques. Ce sont des gens qui s'informent énormément, sont très actifs, donnent davantage, votent davantage, ont une probabilité plus forte d'être membre de partis politiques. Et donc, ce sont ce que nous, on appelle des hyper-citoyens. Mais encore une fois, ce ne sont pas, ils ne sont pas représentatifs de tous les internautes. La majorité des internautes partagent des caractéristiques avec la population générale. Donc, il y a un niveau d'intérêt pour la politique. Si on fait un sondage auprès de l'ensemble des internautes, et c'est ce qu'on fait, ben, il y a un intérêt pour la politique qui est là, comme il est dans des proportions similaires dans la population générale. À la limite, j'imagine qu'on pourrait dire que d'un côté, il y a ceux qui utilisent les médias sociaux pour partager, pour débattre, pour échanger, et il y a ceux qui utilisent les outils web pour aller signer des pétitions, participer activement à la vie démocratique, remplir les formulaires, dialoguer avec les élus, etc. Oui, la participation politique, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut prendre le répertoire de la participation politique est beaucoup plus large que le simple vote. De toute façon, au Canada, on vote pas en ligne, on peut pas. Donc, il y a des projets, il y a eu des réflexions sur cette question-là. Mais pour l'instant, la participation en ligne, quand on l'étudie au Canada, ça réfère à la capacité d'engager une discussion, de participer, d'échanger des contenus, de poser des questions, de signer des pétitions, comme vous l'avez dit, de donner à des organisations politiques ou à des groupes. Les groupes d'intérêt font de la politique aussi. Donc, et mobilisent, font des campagnes de financement en ligne aussi. Et est-ce qu'on a l'impression qu'il y en a un qui tire plus que l'autre, peut-être, justement? À partir du moment où on rentre dans le registre du don, ces pratiques-là chutent assez considérablement. Les gens qui donnent habituellement en ligne, que ce soit pour des organisations politiques ou des organisations, des groupes d'intérêt, sont un peu plus vers le haut de la courbe générationnelle. Donc, c'est des gens qui sont plus âgés. Les plus jeunes donnent moins en ligne, mais vont faire d'autres types d'activités, comme ils vont tweeter davantage, par exemple, sur la politique. Ils vont publier sur Facebook davantage de contributions politiques que leurs aînés. Oui, donc dans le fond, ça dépend beaucoup de l'âge, ça dépend un peu de l'appropriation qu'on a faite des technologies, d'une certaine manière. Oui, exactement. Les aptitudes sont importantes et elles sont révélatrices, elles sont corrélées très souvent au répertoire de participation ou d'actes participatifs que d'un point de vue politique, que les gens vont mobiliser pour exprimer leur citoyenneté. On voit donc des jeunes qui sont très actifs sur plusieurs plateformes parce qu'ils ont une littératie technologique qui est peut-être un peu plus étoffé que leurs aînés, mais malgré tout, les aînés et ce qu'on appelle le fossé numérique générationnel est en train de se résorber parce qu'il y a toute une génération de nouveaux retraités qui sont très familiers avec les technologies de l'information. Les technologies de l'information font partie de notre réalité au travail depuis les 20-30 dernières années. Donc, les personnes âgées d'aujourd'hui ne sont pas les personnes âgées d'il y a 20 ans, par exemple. Et donc, on voit le fossé numérique qui se réduit et le répertoire d'actions qui se distribuent de façon un peu plus équitable à travers les cohortes générationnelles. Mais malgré tout, il semble y avoir chez certains, à l'intérieur de certaines cohortes, des pratiques qui sont plus particulières. Est-ce qu'on arrive à avoir des résultats assez clairs entre l'engagement des politiciens sur les réseaux sociaux et les résultats qu'ils ont eus lors des élections? Est-ce qu'un politicien actif et en interaction avec les citoyens est nécessairement un politicien qui met plus de chances de son côté pour les élections par rapport aux résultats qu'on a eus, par exemple, aux élections fédérales? Non. C'est ça, ça doit être difficile. Alors, non, à mesurer. Le fait d'être actif en ligne n'est pas gage de réussite électorale. Mm-hmm. Donc, Justin Trudeau n'a pas gagné la dernière élection parce qu'il a tweeté la main de son bébé qui venait de naître avec son doigt dedans. Donc, ça, non. Et j'ai envie de dire que la pratique des médias sociaux est beaucoup plus étoffée à l'intérieur des absolument des formations d'opposition que des partis gouvernementaux qui vont faire des usages un peu plus prudents. C'était le cas évidemment de l'équipe libérale qui a fait une campagne en ligne très étoffée, les néo-démocrates aussi, le Parti vert est très très très actif en ligne, ils ont une communauté d'internautes militants qui sont très présents. Au Québec, on peut penser à Québec solidaire, à Option nationale qui ont des groupes d'ambassadeurs, ils appellent leurs super ambassadeurs même qui font du militantisme en ligne pour le parti, mais encore une fois, c'est pas un gage de réussite électorale ou de victoire électorale. Mmh. En fait, on est encore un peu, j'ai l'impression, à peut-être développer aussi les différentes approches, parce que veut pas autant les citoyens que les élus font leurs premières armes avec cette proximité-là? Ben, oui et non. Disons que 2015 a probablement été au fédéral l'élection où les forces étaient les plus équilibrées et où l'ensemble des joueurs avaient investi le web et utilisaient le web et les données du web aussi. On n'en parle pas, là, mais les partis colligent énormément d'informations sur les internautes pour les aider à faire du marketing politique, du ciblage de communication, tout ça. Et donc, ils étaient davantage à armes égales, j'ai envie de vous dire, en 2015. C'était probablement la première fois où tous les partis, et là, je mets le Parti vert, le Bloc québécois, les néo-démocrates, les libéraux et les conservateurs dans le même bassin, qu'ils étaient prêts, ils avaient des campagnes en ligne très, très, très étoffées et qui allaient se décliner sur une multitude de plateformes. Là. On n'était plus seulement sur Twitter, sur Facebook avec un site web fort. On était présents sur Instagram. Certains ont tenté des expériences sur Snapchat. Donc, on a tenté des choses beaucoup là, pendant cette dernière campagne-là. Mais encore une fois, on le fait en sachant que l'on va parler d'une plateforme à l'autre à des gens et à des électeurs et à des groupes d'électeurs différents. Tous les électeurs ne sont pas sur Twitter et tous les électeurs ne sont pas sur Instagram et tous les électeurs ne sont pas sur Snapchat, évidemment. Oui, en fait, j'imagine que ça vient un peu, en terminant, amener justement la grande difficulté de cette multiplication des médias, c'est qu'on n'en retranche pas, on fait juste en rajouter. Et si on veut réussir à rejoindre tout le monde, ben, faut être littéralement aujourd'hui sur des dizaines de plateformes. Ben, je vous dirais qu'il y a encore une fois, cette notion de l'hyper-citoyen, l'hyper-internaute, l'internaute politique, est lui sur plusieurs plateformes. Alors, si on le rejoint sur une plateforme, on n'est pas obligé d'être sur l'ensemble des plateformes, mais c'est peut-être pas particulièrement brillant pour les partis politiques d'être sur toutes les plateformes. Ils savent, ils ne parlent pas, encore une fois, à tous les internautes. Ils ont une communication qui est très ciblée. Et ils savent, par contre, grâce à des études d'utilisation, de consommation des médias sociaux, là où se trouvent les différents profils sociodémographiques auxquels ils veulent parler, et ils ajustent leur campagne en conséquence. Et vendredi, lors de votre conférence dans le 4e Carrefour numérique, c'est un peu ces éléments-là qu'on va explorer? On va surtout parler de la citoyenneté en ligne, donc j'aurai des données données sur notre enquête Citoyenneté en ligne Canada, qui sont des données qui sont tirées d'une première grande enquête auprès de la population canadienne sur les pratiques de citoyenneté en ligne et hors ligne. Et on va essayer de voir comment les internautes expriment leur citoyenneté politique en ligne. Voilà. Enfin, on lance l'invitation, évidemment. Thierry Giasson, professeur, je le rappelle, au département de sciences politiques à l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir. Et je rappelle pour les auditeurs que le Carrefour numérique, donc thématique démocratie 2.0, technologie, médias sociaux, participation citoyenne, c'est ce vendredi 11 décembre, 8h30 à 12h30. C'est sur le campus de l'Université Laval, mais c'est ouvert à tous. Le pavillon CG Nature Kruger, qui est juste à côté d'autoroute Robert Bourassa, d'ailleurs, au local 23-20-23-30. Si on va voir toute l'information, eh bien, elle est au www.itis.ulaval.ca. Merci beaucoup Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. Pour cette chronique, toujours encore plein d'événements à couvrir dans le domaine du numérique et on voit même courant décembre, donc c'est plutôt bon. Merci encore et à lundi prochain.